Irasawa, Akiyama, Keion, Gaku, Kotobuki, Nakano, Tainaka. Un petit groupe de rock formé dans un lycée. Il y a 5 filles dedans et elles jouent pas trop mal. Elles répètent parfois après les cours et après le thé. Ensemble elles sont soudées par des liens d'amitié, un peu comme les musclés. Irasawa, Akiyama, Keio, Gaku, Kotobuki, Nakano, Tainaka. Night and day, they love to play and to eat cake. So yeah, just day by day, they rock the house in Gaku. La gratte, tant bien que mal, Mio fait la basse, Tsumugi au clavier, peut-être parce qu'elle est friquée, Tsu est batteuse avec ses cheveux, et pour Azusa, Azuka gratte aussi, mais bien mieux que Yui, mais dites pas que je l'ai dit. Irasawa, Akiyama, Keio, Gaku, Kotobuki, Nakano, Tainaka. Night and day, they love to play and to eat cake. So yeah, just day by day, they rock the house in Gakuen. Irasawa, Akiyama, Keio, Gaku, Kotobuki, Nakano, Tainaka. Night and day, they love to play and to eat cake. So yeah, just day by day, they rock the house in Gakuen.